Leave my cask. Hope better. Mister Nord, 19 septembre 2025. Y'a le rouge dans la place, occupons le terrain. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ouais. Va falloir y aller. Another day, another life. She found a man who was waiting for her. D'accord. Opérale, opérale, opérale, opérale. Alone in that forest, rhizomatic system with you, rhizomatic system. Wait.